Grand 3. Il était donc tard, c'est-à-dire tôt. Le matin venait. Contre le plafond et à une certaine place des rideaux de soie rose du boudoir, hermétiquement fermés, on voyait poindre et rondir une goutte d'opale, comme un œil grandissant, l'œil du jour curieux, qui aurait regardé par là ce qu'on faisait dans ce boudoir enflammé. L'alanguissement commençait à prendre les chevalières de cette table ronde. Ces soupeuses, si animées, il n'y avait qu'un moment. On connaît ce moment-là de tous les soupers où la fatigue de l'émotion et de la nuit passée semble se projeter sur tout, sur les coiffures qui s'affaissent, les joues vermillonnées ou pâlies qui brûlent, les regards lassés dans les yeux cernés qui s'alourdissent, et même jusque sur les lumières élargies et rampantes des mille bougies des candélabres, ces bouquets de feu aux tiges sculptées de bronze et d'or. La conversation générale, longtemps faite d'entrain, partie de volant où chacun avait allongé son coup de raquette, s'était fragmentée, émiettée, et rien de distinct ne s'entendait plus dans le bruit harmonieux de toutes ces voix, aux timbres aristocratiques, qui se mêlaient et babillaient comme les oiseaux à l'aube sur la lisière d'un bois, quand l'une d'elles, une voix de tête celle-là, impérieuse et presque impertinente, comme doit l'être une voix de duchesse, dit tout à coup par-dessus toutes les autres, au comte de Ravilla, ces paroles qui étaient sans doute la suite et la conclusion d'une conversation, à voix basse entre eux deux, que personne de ces femmes qui causaient chacune avec sa voisine n'avait entendu. Vous qui passez par le donjon de ce temps-ci, vous devriez nous raconter l'histoire de la conquête qui a le plus flatté votre orgueil d'homme aimé et que vous jugez, à cette lueur du moment présent, le plus bel amour de votre vie. Et la question, autant que la voix qui parlait, coupa nettement dans le bruit toutes ces conversations éparpillées et fit subitement le silence. C'était la voix de la duchesse de... Je ne lèverai pas son masque d'assérisque, mais peut-être la reconnaîtrez-vous, quand je vous aurai dit que c'est la blonde la plus pâle de teint et de cheveux, et les yeux les plus noirs sous ses longs sourcils d'ambre, de tout le faubourg Saint-Germain. Elle était assise comme un juste à la droite de Dieu, à la droite du comte de Ravilla, le dieu de cette fête, qui ne réduisait pas alors ses ennemis à lui servir de marchepied. Mince et idéale, comme une arabesque et comme une fée, dans sa robe de velours vert aux reflets d'argent, dont la longue traîne se tordait autour de sa chaise et figurait assez bien la queue de serpent, par laquelle se terminait la croupe charmante de Mélusine. « C'est là une idée, » fit la comtesse de Chivrovas, comme pour appuyer en sa qualité de maîtresse de maison, le désir et la motion de la duchesse. Oui, l'amour de tous les amours, inspirés ou sentis, que vous voudriez le plus recommencer, si c'était possible. « Oh, je voudrais les recommencer tous, » fit Ravilla, avec cet inassouffissement d'empereur romain qu'ont parfois ces blasés immenses. Et il leva son verre de champagne, qui n'était pas la coupe bête et païenne par laquelle on l'a remplacé. Mais le verre est lancé et svelte de nos ancêtres, qui est le vrai verre de champagne. Celui-là qu'on appelle une flûte, peut-être à cause des célestes mélodies qu'il nous verse souvent au cœur. Puis il étreignit d'un regard circulaire toutes ces femmes qui formaient autour de la table une si magnifique ceinture. Et cependant, ajouta-t-il en replaçant son verre devant lui avec une mélancolie étonnante pour un tel Nabucodonosor qui n'avait encore mangé d'herbe que les salades à l'extragon du café anglais, et cependant c'est la vérité qu'il y en a un entre tous les sentiments de la vie qui rayonne toujours dans le souvenir plus fort que les autres, à mesure que la vie s'avance, et pour lequel on les donnerait tous. Le diamant de l'écrin, dit la comtesse de Chivrovas songeuse, qui regardait peut-être dans les facettes du sien. Et de la légende de mon pays, reprit à son tour la princesse Jable, qui est du pied des monts Oural, ce fameux et fabuleux diamant, rose d'abord, qui devient noir ensuite, mais qui reste diamant, plus brillant encore noir que rose. Elle dit cela avec le charme étrange, qui est en elle, cette bohémienne, car c'est une bohémienne, épousée par amour par le plus beau prince de l'émigration polonaise, et qui a l'air aussi princesse que si elle était née sous les courtines des Jagellon. Alors ce fut une explosion. Oui, firent-elles toutes. Dites-nous cela, comte, ajoutèrent-elles passionnément, suppliantes déjà, avec les frémissements de la curiosité jusque dans les frissons de leurs coups par derrière, se tassant épaule contre épaule, les unes la joue dans la main, le coude sur la table, les autres renversées au dossier des chaises, l'éventail déplié sur la bouche, le fusillant toutes de leurs yeux émerillonnés et inquisiteurs. « Si vous le voulez absolument, » dit le comte avec la nonchalance d'un homme qui sait que l'attente exaspère le désir. « Absolument, » dit la duchesse en regardant comme un despote turc aurait regardé le fil de son sabre, le fil d'or de son couteau de dessert. « Écoutez donc, » acheva-t-il toujours nonchalant. Elle se fondait d'attention en le regardant. Elle le buvait et le mangeait des yeux. Toute histoire d'amour intéresse les femmes, mais qui sait? Peut-être le charme de celle-ci était-il pour chacune d'elles la pensée que l'histoire qu'il allait raconter pouvait être la sienne. Elle le savait trop gentilhomme et de trop grand monde pour n'être pas sûre qu'il sauverait les noms et qu'il épaissirait, quand il le faudrait, les détails par trop transparents. Et cette idée, cette certitude, leur faisait d'autant plus désirer l'histoire. Elles en avaient mieux que le désir, elles en avaient l'espérance. Leur vanité se trouvait des rivales dans ce souvenir évoqué comme le plus beau souvenir de la vie d'un homme, qui devait en avoir de si beaux et de si nombreux. Le vieux sultan allait jeter une fois de plus le mouchoir, que nulle main ne ramasserait, mais que celle à qui il serait jeté sentirait tomber silencieusement dans son cœur. Or voici qu'avec ce qu'elle croyait, le petit tonnerre inattendu qu'il fit passer sur tous ses fronts et écoutant,